C'est moi qui, au début de l'histoire de l'homme, d'un coup de dent rageur et mordu dans la pomme, j'ai assisté les loups dans leur messe de sang. Je suis l'hirondelle de la nuit. Oui, okay. Je crois que l'émission d'aujourd'hui touche bientôt à sa fin. Du coup, on va faire un peu d'agenda vite fait. Et avant, il y a une petite info anti-rep locale qui est en train de circuler, qui dit: les trois mineurs interpellés ce matin sont sortis. Reste un majeur dont on n'a pas de nouvelles. Par ailleurs, au moins deux interpellations ce soir, peut-être plus. Ce serait bien que des personnes s'organisent pour faire la vigie devant le commissariat Valdecrousseau ce soir et ou demain matin pour guetter les sorties. Rappel, toute info concernant arrestation et ou sortie et ou procès est à communiquer à la Legal Team au 06 75 30 95 45. C'est pas compliqué, 75, c'est comme Paris. 30, voilà. Et du coup, en termes d'agenda, moi c'était surtout par rapport à la fac que je vais parler. Après, peut-être je vais regarder vite fait ailleurs, et puis comme ça complétera. Alors, demain mardi, à partir de 6h30, les étudiants organisent un blocage filtrant sur la fac pour informer sur la hausse des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes étrangères. Donc, rendez-vous à 6h30 sur le campus Tertre. Le mercredi, alors est-ce que c'est le bon onglet? Non, c'est pas le bon onglet. Le bon onglet, il est là. Mais mercredi, du coup, à 5h PM, c'est-à-dire à 17h, oui, c'est ça, dans le foyer étudiant, donc au rez-de-chaussée de Sensive, il y a une formation anti-rep. Je vais vous lire rapidement le petit texte qui l'accompagne. Face aux violences policières et aux arrestations. face aux violences policières et aux arrestations au faciès lors de blocus et de manifestations, comment agir et se protéger? Dans le cadre de la mobilisation contre la hausse des frais d'inscription universitaire pour les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères, non européens et européennes, le collectif antiraciste Racine propose une formation anti-répression à travers l'échange de savoirs et d'expériences pour mieux repérer et prévenir les risques, se protéger, créer des solidarités, connaître ses droits en cas d'arrestation. L'objectif étant d'être en confiance et en sécurité lors de manifestations et ou de blocus, notamment en tant que personne non blanche et ou non française face à une répression particulièrement violente et raciste en France, avec la participation des Street Medics de Nantes. Donc, le mercredi à 17h sur la fac. Ensuite, il y a, dagadatam, jeudi 6h30, un blocage, cette fois total, de l'université qui est annoncé, qui est ensuite suivi par une AG étudiante à 9h du matin. Et ça, j'ai pas cliqué sur le lien, du coup, il faut que j'attende une seconde et demie que la page charge pour avoir plus d'infos. Là, là, là, donc il y a écrit devant le pôle étudiant. Voilà, j'imagine que soit ça sera ensuite redirigé vers un amphi en fonction de ce qui aurait été trouvé, ce qui aurait été laissé libre, ce qui aurait été. Je sais pas. Le tempo s'accélère. Vendredi dernier, plus de 100 lycéens étaient bloqués en France. 100 lycées, pas 100 lycéens, pardon. Ce lundi, trois lycées sont à nouveau bloqués à Nantes et les lycéens, lycéennes se font charger et interpeller par les flics. Ce samedi, c'est un climat pré-insurrectionnel qui s'est emparé de Paris et de villes de province. Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire? Les colères montent partout contre Macron et la violence de son monde. Le blocage se multiplie partout et le mot d'ordre est général. Il faut destituer Macron. Les universités commencent à s'organiser. Partout, des blocages sont votés pour empêcher les multiplications par 16 des frais d'inscription qui visent les étudiants et étudiantes étrangères dès la rentrée 2019. Il est temps de faire reculer Macron et sa clique. La prochaine AG aura lieu jeudi à 9h devant le pôle étudiant. Voilà. Et du coup, jeudi, du coup, toujours le même jour, à 18h, manifestation. Place du Bouffay. En l'occurrence, il n'y a pas d'autres liens avec plus de détails, mais enfin, du coup, j'imagine c'est toujours sur cette question de la hausse des frais d'inscription. Et ensuite, pour le week-end, samedi à 14h, bah, c'est encore pas le bon anglais. Samedi à 14h, devant la préfecture de Nantes, grande manifestation. Samedi, grande manifestation à 14h devant la préfecture de Nantes à l'appel de l'AG étudiante. Le gouvernement a annoncé, bon, enfin voilà quoi, c'est la même chose en fait, je vais pas dire, c'est la même, toujours sur cette problématique de hausse de frais d'inscription pour les étudiants, étudiantes, étrangers, étrangères. Donc, samedi 8 à 14h devant la préfecture de Nantes, et je pense que la même journée est plus ou moins dans les mêmes parages physiques. Il doit aussi y avoir un rassemblement de gilets jaunes, j'imagine, vu comme le rythme s'est installé. Je présume, mais enfin bref. Voilà pour ce qui concerne l'agenda de la faculté. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en agenda là? Mardi 4, alors je regarde en direct les agendas locaux militants, à savoir Demosphère 44 et Indymedia. Alors on nous apprend que demain, mardi 4, à 18h30, mais je suis pas préparé, attendez, en fait, comment je fais moi? Et qu'est-ce qu'il faut lire tout? Oui, pourquoi pas une petite musique? Ouais, c'est sympa la musique. Putain de raciste ennemi, je serai de trop. Assister les mythes sur ces histoires et les écrits, et tout sûr d'avoir tout compris. Les complots, les conflits, la critique facile, beaucoup plus qu'une vie en exil. Putain de raciste ennemi, quel que soit ton pays, uni et fier, éduqué, dis-moi qui pourrait faire taire la colère qui nous colle. Je serai de trop. Nos mains de voix des doux, nos mains de voix des sales. You run every single day. So far away in this promised land. So far away. Shadow in the middle of the town, so far away in this promised land, so far away off your little island. No matter what they do, no matter what they say, you run every single day. So far away in this promised land, so far away off your little island. Il y a encore des gens ici qui sont supérieurs, mais en quoi? Supérieurs, mais à qui? La critique facile, beaucoup plus qu'il y en exil, putain de raciste ennemi. Quel que soit ton pays, il y est fier, éduqué, dis-moi qui pourrait faire taire la colère qui nous colle au nerf. Tout reprend à zéro, loin du chaos, pourtant c'était. Je serai de trop, tout reprend à zéro, loin du chaos. Pourtant c'était si beau debout sur le pont du bateau. Je ne pensais pas, là-bas je serai de trop. J'adore la réacte technique sur Radio Cayenne. Je sais pas, en fait, je me suis pas beaucoup plus préparé que ça pendant ce temps de musique. Et il se trouve que les agendas que je consulte sont pas particulièrement énormément garnis pour cette semaine. Et qu'en fait, je crois que j'ai un peu la flemme d'encore parler dans un micro parce que je suis pas doué avec ça. Du coup, je sais pas si quelqu'un a envie de le faire à ma place ou si on le fait pas. Non, oui, non. Bah, je sais pas, il y a plusieurs trucs, mais je sais pas ce qui est intéressant, si tout est intéressant à partager. Ok, oui, peut-être, oui, sûrement. Je te passe le micro. Alors, le mardi 4 décembre à 19h, soit demain, il y a le festival Migre en scène. Alors c'est bizarre, c'est demain à 19h, mais ça a commencé, c'était du 19 décembre au, du 19 novembre au 2 décembre à Nantes. Alors demain c'est la soirée de clôture du festival et c'est la CIMAD qui propose de se retrouver autour de son jeu de loi Parcours de migrants. C'est au bar Le Rouge Mécanique et c'est 10 rue du Bon Secours à Nantes. C'est entrée libre et gratuite. Voilà. Radio Cayenne. On est en train de chercher les autres pages. À Châteaubriant, il y a... quelque chose en non-mixité qui s'appelle le Patriarcat m'habite. C'est toujours demain, c'est à 19h, et c'est en non-mixité mec. Et du coup, il y a un truc un mardi sur deux au bar de la Charrue Étoilée, 28 rue Quéré, 44110 Châteaubriand. Et à 20h, un groupe d'hommes se réunit pour parler à la fois de sexualité et de patriarcat. Alors, on va pas lire tout l'appel, mais l'idée c'est de discuter entre mecs sur des bases antipatriarcales. Du coup, si vous avez des petites tendances masculines, tout ça, peut-être c'est pas la peine d'aller pourrir ce que font les autres. Alors, je sais pas si vous avez bien entendu parce que le copain qui parlait avait pas de micro. Je vais changer la situation tout de suite, mais après ça peut aussi être utile à des gens qui sont un peu mascus et qui en ont soudainement pris conscience et qui se disent merde, en fait je suis très con. Donc ça peut leur servir éventuellement à condition de pas trop intervenir. Ouais, je pourrais dire comment tu l'as dit tout à l'heure. Se dire non, parce qu'il faut être gentil avec les gens quand même. Et que simplement, voilà, bon, je suis con, j'en ai fait le constat, comment puis-je faire en collectivité pour résoudre certains clichés que je peux avoir dans le fond de ma tête ? Et à mon avis, c'est une bonne occasion. Mais c'est vrai qu'on peut être tenté des fois de parler dans ce genre d'événement. Des fois aussi, on rencontre des gens qui ont une expérience peut-être un petit peu plus grande que la nôtre, et que dans ces cas-là, c'est toujours très enrichissant, et que ayant fait le constat qu'on n'est pas forcément très intelligent, ça peut valoir le coup juste d'écouter et simplement voilà de rentrer chez soi avec plein de petites idées dans la tête et de se dire que à l'avenir je ferai attention à certains détails. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc bon, voilà. Pour le dire plus vite, si t'es masculin et que t'as envie d'y aller, ferme donc ta gueule. un autre événement. Ça s'appelle « Un an après, où en est le mouvement indépendantiste catalan ?» et c'est jeudi, donc le 6 décembre, à 20h, c'est à B17, 17 rue Paul Bellamy, à Nantes. C'est la deuxième cour à gauche, au-dessus du garage associatif L'Atelier. Et je suis en train de lire en même temps que je vous dis, c'est jeudi 6 décembre, aura lieu à Nantes, avec un débat avec Ania, c'est écrit tout petit alors j'ai du mal à lire, Ania Telia, en charge des relations internationales de la CUP, candidature d'unité populaire à la coupe. Heureusement il y a des gens qui soufflent. Donc la coupe, la coordination d'unité populaire, c'est à B17 comme on le disait. Et plus d'un an après le référendum auto-organisé sur l'indépendance de la Catalogne et la grève générale qui l'a suivi, quel bilan font les militants et militantes anticapitalistes et indépendantistes catalans de la situation ? Quelles sont les perspectives de rupture radicale avec la monarchie espagnole ? Quelle place pour la classe ouvrière dans la mobilisation indépendantiste ? Quelles leçons pour les luttes en faveur de l'autodétermination en Bretagne et ailleurs ? C'est organisé par la gauche indépendantiste bretonne, Brésistance, et l'organisation communiste libertaire. Donc c'est jeudi, le 6 décembre, à 20h, à B17. Et pour la semaine, c'est tout ce qu'on a. Il n'y avait pas un petit atelier vie privée ? C'est la semaine suivante, on peut juste le dire, puis on précisera la semaine prochaine si vous voulez vous projeter sur votre semaine suivante. C'est le 11 décembre, donc c'est mardi, pas demain, mais celui d'après, le 14. Non, il n'est pas après. Ah non, c'est le 11 décembre, donc à 18h, c'est un atelier vie privée, on vous redira la semaine prochaine plus ce que c'est, mais c'est au Breil, du coup, si vous avez envie... Enfin, un atelier vie privée sur internet, vie privée. Voilà. Et le 14 décembre, mais peut-être quelqu'un peut l'expliquer mieux que moi, mais c'est la soirée de soutien à la Toto École. Oui, c'est exact. Le 14 décembre, c'est-à-dire vendredi de la semaine prochaine, celle d'après, à partir de 19h à la MOB. 17 bis rue Général Buat à Nantes. Il y a une soirée de soutien à l'auto-école autogérée qui est en train de se monter à Nantes. Et il y a des groupes, il y a des spectacles, il y a quoi, il y a les Tourloupes qui est un spectacle de magie rouge et noire. Il y a les Punk à Chat qui sont une chorale plus féministe que punk, à en croire leur description. Et c'est quoi le dernier groupe? C'est Casseur du punk souterrain. Et peut-être un autre groupe qui ne s'est pas encore annoncé. Et oui, tu veux prendre le micro? Bah, je voulais juste dire que si comme TF1, LCI, BFM TV, etc., vous avez toujours rêvé de savoir derrière les cagoules qui sont les casseurs, eh ben, venez à la soirée de soutien de la Toto École pour le découvrir. Ce sera plein d'amour. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour l'agenda. Sauf s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête qui ne sont pas listées. Non, pas sur l'agenda, mais je voulais dire aux personnes qui sont sur le chat qu'on n'a pas eu trop le temps d'interagir avec elle ce soir. Mais je peux faire un petit peu rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les gilets jaunes libres. L'analyse que faisaient les camarades sur le chat, c'était que... C'est même plus qu'une analyse, quoi. C'est une connaissance, un suivi de toutes ces choses-là depuis les dernières semaines. Que ce groupe, les Gilets jaunes libres, c'est un petit peu les initiateurs du mouvement qui se sont fait virer et qui essayent de revenir en force. Voilà, et ça réussit bien quand même, hein, comme quoi, avec Facebook, on peut avoir un certain pouvoir de nuisance et voilà, ça dit beaucoup de choses sur cet outil notamment, mais voilà. Je sais pas si on a fini avec tout l'agenda. Rapidement, j'ai pas bien trop lu en profondeur, mais je crois qu'on en a pas trop parlé dans la soirée. À Saint-Nazaire aussi, autour des gilets jaunes, machin, il se passe pas mal de mouvements, à en croire ce qu'on en voit à travers les internets mondiaux. Je sais pas si c'est tous les jours, mais ça a l'air d'être assez souvent qu'il y a des blocages des gros ronds-points, des gros axes et de la raffinerie de Donges notamment. Oula. Il y a plus d'essence au sud de Nantes. Oui. Waouh. Et rapidement, c'est pas pratique pour certains cocktails, ça quand même. Oui, j'avais vu un appel avant pour le 17 novembre de plus de gens un peu. C'était un peu un appel humoristique, dirais-je, de gens dans un imaginaire Toto, je sais pas quoi là, Toto Black Bloc insu là, qui disait appel à venir à rejoindre le mouvement du 17 novembre pour lutter contre la hausse du cocktail Molotov. Voilà. Contre la hausse du prix du cocktail Molotov, si j'oublie des mots, ça marche pas. Voilà. Il y a un article sur Indemedia qui s'appelle un truc genre augmentation du prix d'essence, c'est pas grave, on utilisera des allumes-feu. Du coup, par rapport à Saint-Nazaire, il y a des petits rendez-vous là, qui sont... sur la page Facebook Maison du Peuple de Saint-Nazaire et alentour qui correspond à l'occupation de la sous-préfecture, de l'ancienne sous-préfecture qui a été occupée. Une occupation, c'est quand on occupe à Saint-Nazaire, du coup. Et ils donnent quelques rendez-vous. Mercredi, une action symbolique contre les banques, paradis fiscaux, AGO, trois petits points. Et le stand des impôts, ISF, financement service public. 16h, rendez-vous mairie. Groupe de travail, mardi 14h, pour préparer cette action de mercredi. Samedi, il y a une grande manifestation à 10h à la gare. Pique-nique populaire, parc paysager avec animation. Puis 14h, rejoindre marche pour le climat, gilet jaune pour une écologie populaire. Et en fait, c'est à peu près tout. Et puis, ils appellent à rejoindre aussi la manifestation à Nantes. C'est ça qu'ils disent ou c'est pas ça qu'ils disent? Oui, ça doit être ça, peut-être. Bah voilà. Du coup, il se passe aussi des choses dans un peu partout. Et toujours dans l'agenda, alors là, je vais faire toute mémoire, mais il y a Footnote Bombs qui organise un truc le 24 décembre. Et je sais plus, je crois qu'ils font un appel à préparer un petit peu ça, histoire que ça soit chouette. Distribution de bouffe notamment, enfin je sais plus trop, mais on en reparlera lundi prochain. Mais renseignez-vous, apparemment ils ont besoin de coup de main. Est-ce qu'on a parlé du fait qu'il y avait eu encore des perquisitions ce matin à Bure? Non, mais quand est-ce qu'il n'y en a pas? En fait, on pourra faire un sujet quand il n'y en aura pas. Ça pourrait être plus intéressant. Bah, du coup, il y a eu ça. Je pense qu'on va pas en parler plus parce que moi j'ai la flemme. Ouais. Mais bah, du coup, il se fait tard. Au moins, on a informé de ça. Et on enchaîne sur la musique avant de se dire au revoir, peut-être. Ouais, moi je trouve que c'est bien. Ok. Ma musique. Que tout le monde se mette à danser. Et présent, Bonsoir. Oh, ah, ah, oh, oh, ah. Excuse accordée à la technique. Juste avant de se dire au revoir, en fait, on a un dernier petit truc qui vient de popper dans l'agenda. Qui est donc le vendredi 14 décembre à 10h, un appel à soutien pour un refus de visa. Je lis rapidement le petit texte. Ce vendredi 14 décembre, à 10h, se tiendra au tribunal administratif de Nantes une audience afin de contester une décision de refus de visa. En effet, l'ambassade française de Dakar a refusé sans motif légitime un visa long séjour à mon compagnon guinéen. Nous sommes pourtant paxés depuis février, mais l'ambassade française refuse de délivrer ce visa. De nombreuses démarches administratives, pax, visa, etc., ont de plus était souvent accompagné de propos homophobes, voire même refusés explicitement pour cause d'orientation sexuelle. La séance du vendredi 14 sera pour nous notre dernière chance d'obtenir ce visa, puisqu'il n'y aura plus aucun recours ou appel possible après cette audience. Alors, afin de montrer votre soutien et surtout votre refus de cette politique raciste et homophobe, je vous invite à venir devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'île Gloriette, vendredi 14 décembre à 10h. Tous ces visas refusés poussent des milliers de personnes à risquer leur vie pour rejoindre l'Europe. Arrêtons cette politique, ouvrons les frontières. Oui. Voilà. Akab. Et du coup, on remet un tout petit peu de musique, on va se quitter. Alors j'allais dire en douceur, mais oui, c'est ça. est-ce que la ZIC est active ? Merci. Son regard était fixe, à être pensé si morbide. Tu es crevé, mourir après. Il te l'aide pour survivre, enchaîné à l'ennui. Il était seul, il s'en foutait. Exploitait l'homme, la mer est finie. Et je savais, et je savais. Vous êtes sur Radio Cayenne et il est minuit 19. Nous sommes déjà le 4. Nous sommes déjà mardi. Hein. Et on va se dire. Enfin, c'est triste, mais on va se dire au revoir. Hein. Et, mais, oui, vous pouvez écouter dans. Alors, c'est pas toujours immédiat. Hein. Je dis toujours dans 10 minutes, mais en général, c'est plutôt parfois un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure. Mais il y a le H24, donc la diffusion 24 heures sur 24 de Radio Cayenne. Toujours à la même adresse, radiocayenne.net. Vous pouvez retrouver les podcasts, les annonces, les articles de Radio Cayenne sur radiocayenne.noblogs.org. radiocayenne.noblogs.org. Et voilà. Et bonne nuit et tout ça, quoi. Un petit mot de la fin. Allez, juste un petit mot. Un petit mot. Non. Acab. Je sais pas si vous avez entendu, mais on est dit. Il y a eu un acab qui venait du fond du cœur. Donc, bonne nuit, les cailloux. C'est fini, pas de veine, plus de soucis. Cayenne, c'est fini. Un de lettres de mon ami, ce n'est peut-être qu'un oubli. C'est fini. Il y en a qui s'aiment jusqu'au martyr. Où il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir. Les matons m'ont maté. J'ai plus de quoi me relever. Cayenne, bon bon bon. Cayenne, bon bon bon bon. J'ai compris. Cayenne, bon bon bon bon. C'est fini, Cayenne. Tant que j'attends ma remise de peine, y'a de la gangrène dans mes souvenirs. Vaut mieux en finir quand ça traîne. J'ai pas envie de moisir ici. Cayenne, c'est fini. Cayenne, c'est bien fini. Allez les mecs, au boulot. Allez les mecs, au boulot. Avec sa soupe, Cayenne, c'est fini. Soucis qui a fleuri à Cayenne. Cayenne, captivité pas bon. Cayenne, tentative d'évasion. Cayenne, la prison quadrillée. Cayenne, niquée par les képis. Cayenne, des matons, des catis. Cayenne, quasiment déphasés. Cayenne,